sous le soleil. Je n'ai connu la paix que dans tes bras. J'aimerais que tu sois là quand je m'éveille. Hey. Oh. Si je te suis, est-ce que tu me rejoins?